Bonjour les amis. Vous aimez bien regarder les aventures de Dragon Ball Z à la télévision. Alors, je suis sûr que vous prendrez beaucoup de plaisir à les écouter. L'histoire que vous allez entendre maintenant s'intitule Broly, le super guerrier. Bon, vous êtes bien installés? Accrochez-vous, nous allons décoller. La galaxie du Nord a été attaquée par des super guerriers. Cet événement n'est pas passé inaperçu aux yeux du Seigneur Kaio. Je craignais infini par ce produit. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Il faut agir avant que la galaxie du Nord ne soit détruite. Dragon Ball Z, le gentil Sangohan. Dragon Ball Z, combat tous les méchants. Dragon Ball Z, il a tous les pouvoirs. Dragon Ball Z, la force et le savoir. Nous retrouvons Chi-Chi et Sangoku dans une file d'attente au pied d'un immeuble. Surtout, fais bien attention, Sangoku. Notre démarche d'aujourd'hui est très importante. Nous allons avoir un entretien dont le but est de tester les parents des candidats. Tu crois qu'on peut entrer? Non, il faut attendre son tour. Disons que nous en avons au moins pour 2 heures. Tant que ça? Mais je ne tiendrai jamais. En plus, je suis très mal à l'aise dans ce costume. Non, mais regarde, il me gêne aux entournures. Je t'en prie, fais un effort et arrête un petit peu de te plaindre. Il faut que tu portes ce costume pour être présentable. Si tu ne fais pas bonne impression, Sangohan ne sera pas admis dans cette école privée. Bon, nous allons voir ensemble les questions auxquelles tu es supposé répondre. Tout d'abord, quels sont tes passe-temps favoris? Tu veux dire quelles sont les choses que j'aime faire le plus? Me battre contre de rudes gaillards. C'est pas une réponse correcte. Ah. Tu dois dire quelque chose comme « Mes passe-temps favoris sont le sport et la lecture, monsieur. » Ah bon. Non loin de là, dans le jardin public, Bulma, Oolong et Sangohan sont en train de pique-niquer. Tortue géniale fait des acrobaties. Il faut reconnaître qu'il est très doué pour un homme de son âge. Il est extraordinaire. Patience, ça va être bientôt à nous. Plus que 3 parents et ce sera notre tour. Oh. C'est une vraie torture. Je meurs de faim. Courage, on n'a plus pour longtemps. Bon, reprenons. Quels sont tes passe-temps favoris? Mes passe-temps favoris sont le sport, la lecture. C'est bien ça? Mais c'est parfait. Maintenant, dis-moi un mot que tu aimes particulièrement. Un mot? J'ai beau réfléchir, je ne trouve pas de mot en particulier. En revanche, si tu voulais, je pourrais te citer beaucoup de plats que j'adore. Non, il ne faut pas parler de nourriture, ça ne se fait pas. Les mots amitié, courage, victoire, voilà quels exemples de mots tu pourrais donner. Est-ce que tu comprends? Dis-moi une chose, est-ce qu'il s'agit d'un entretien ou du concours du plus grand menteur? Oh, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai une de ces migraines. On rentre à la maison? Tu ne t'en sortirais pas, si bon con. Dans le parc, Krillin expose ses talents de chanteur. Parmi les spectateurs se trouvent, entre autres, Dr. Brief et sa femme, ainsi que Trunks. Je trouve qu'il a une voix remarquable, ce garçon. Personnellement, je ne lui trouve rien d'extraordinaire. Bravo, tu es le meilleur, Krillin. Toutes mes félicitations. En tout cas, sa voix n'est pas du goût de Vegeta. Mais quand est-ce qu'il va s'arrêter? Il nous casse les oreilles. Un énorme vaisseau spatial vient se poser au milieu du jardin public. J'ai descendu dans mon jardin. Des dizaines de soldats en surgissent qui viennent s'agenouiller aux pieds de Vegeta. Pour y cueillir du romarin. Majesté. Puis-je savoir qui vous êtes? Nous vous avons cherché partout, Prince Vegeta. Vous êtes des guerriers, je suppose. Mon nom est Paragus, Majesté. Pour y cueillir du romarin, gentil. Au même moment, dans l'école privée... J'ai donné à mon fils une très bonne éducation, de plus en plus jeune âge. Vous voyez, monsieur, mon plus grand espoir a toujours été de faire de lui un savant de grande renommée. Sangoku, Sangoku, est-ce que tu m'entends? Est-ce que c'est vous, Kaio? Oh, ça faisait si longtemps que je n'avais pas eu de vos nouvelles. Sangoku, quelque chose de terrible vient de se produire. Je voudrais que tu viennes tout de suite. J'ai peur que ce soit difficile pour l'instant. Je dois passer un entretien pour que Sangohan entre dans une école. Et si jamais j'échoue, ma femme m'a dit qu'elle me priverait de nourriture pour toujours. Vous vous imaginez ça? Je te donnerai toute la nourriture que tu souhaites. Mais il faut que tu viennes vite. La planète Terre est menacée de destruction. Alors c'est vraiment très urgent. Et c'est pourquoi nous souhaitons vivement qu'il entre dans votre école. Monsieur Sangoku, quels sont vos passe-temps favoris? Allez, réponds-lui. Mes passe-temps favoris, c'est la lecture et... Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis vraiment désolé, mais j'ai une affaire importante à régler. Vite, chez Kaio. Sangoku vient de disparaître. Madame Sangoku, pouvez-vous m'expliquer comment votre mari fait ça? Les passe-temps favoris de mon mari sont le sport et la lecture. À l'appel du seigneur Kaio, Sangoku s'est précipité sur sa petite planète. Bravo, tu as été plus rapide que je ne pensais. Mais que signifie cet habillement? Ah ben c'est... Hein? Je vais me changer. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Voilà la tenue que je préfère. Pratique et confortable. Passons aux choses sérieuses. Bien, maître. Qui a-t-il à manger? Je meurs de faim. Dans le jardin public... Nous sommes venus jusqu'à vous, Prince Vegeta, pour vous demander de devenir le roi de la nouvelle planète Vegeta. Que je devienne le roi de la nouvelle planète Vegeta? Il est grand temps que l'univers entier reconnaisse la supériorité de ce peuple admirable, qu'est le peuple des guerriers. Nous sommes le peuple le plus puissant qui soit. Nous allons fonder un nouvel empire. Ce sera le plus grand empire. Oui! Nous sommes venus vers vous parce que vous seul pouvez vaincre ce guerrier. Vous seul pouvez battre le guerrier légendaire de l'espace. Guerrier légendaire de l'espace, c'est ce que vous avez dit? Il s'est attaqué à la galaxie du Sud avec une force extraordinaire, semant la terreur partout sur son passage. Nous devons absolument faire quelque chose, sinon notre nouvelle planète Vegeta, sur laquelle nous avons eu tant de mal à nous établir, sera menacée. Père, ne croyez pas ce qu'il dit. Ce sont des mensonges. Ne le croyez pas. Je suis prêt. Mettons-nous en route. Père! Père! Tu es le bienvenu, toi aussi, Prince Trunk, car nous savons que tu es le descendant de notre futur roi Vegeta. Attendez, je veux aller avec vous, mon cher, attendez-moi! Attendez, il ne sait pas ce qu'il dit, le pauvre! Attendez-moi, je veux monter à bord de votre engin, Vegeta! Ils prétendent vouloir faire de lui le roi de leur nouvelle planète. Maman, ne t'inquiète pas. Je me charge de le ramener bientôt. Trunk. Finalement, Vegeta, Trunks, Tortue Géniale, Oolong, Krillin et Sangohan embarquent à bord du vaisseau. Sangoku, quant à lui, s'empiffre littéralement. Oh, c'est bon, ça. J'avais une faim. Vous dites qu'un super guerrier aurait attaqué la galaxie du Sud? Oui, il l'a totalement détruite, il n'en reste plus rien à l'heure qu'il est. Mais le plus inquiétant, c'est qu'il semble se diriger maintenant vers la galaxie du Nord. Vraiment? Ce guerrier est d'une force inimaginable, son pouvoir est supérieur au tien. Qu'est-ce que vous dites? Vous pensez que c'est... C'est pas possible. La situation est alarmante, je dirais même qu'elle est très grave. Je veux que tu ailles voir ce qu'il en est. Où est-ce qu'il faut que j'aille pour trouver ce guerrier? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas possible. Je croyais que vous saviez tout, maître. Eh bien non, justement, pas toujours. Commence par la galaxie du Sud. Utilise le déplacement instantané. Entendu. Je vais voir si je peux sentir sa présence. Son Goku pose son index et son majeur sur son front. Il se concentre. Une question. C'est dans quelle direction la galaxie du Sud? Bien, je vais me tourner de ce côté et essayer à nouveau. Ça y est, je sens quelque chose, très faiblement, mais ça doit sûrement être un guerrier. Maître, je dois y aller. Je compte sur toi pour réussir. À la vitesse de la lumière, Son Goku a traversé des millions de kilomètres. Il se retrouve sur une planète en ruine. Il n'a pas l'air d'être ici. Pourtant, sa force spirituelle semble incroyablement présente. Son pouvoir doit être vraiment exceptionnel. Kaio a dit qu'il se pourrait même qu'il dépasse le mien. Le vaisseau spatial de Paragus atterrit sur Vegeta. Je dois dire que mon plus grand désir a été de reconstruire une nouvelle planète Vegeta après que Freezer ait détruit notre ancienne planète il y a 30 ans. Car je savais que c'était le seul moyen de perpétuer le règne du roi Vegeta, votre père, qui fut éliminé par Freezer dans des circonstances aussi terribles qu'humiliantes. Maintenant que je vous ai retrouvé et convaincu de nous suivre, je sais que mon plus grand rêve va pouvoir se réaliser. Je n'en prends rien dans les murs. Ça ne va pas mieux du tout, je me sens même plus de plus en plus. Mais vous voyez bien, on vous avait dit de ne pas monter à bord. Vous savez bien, vous ne supportez pas la voiture. Le groupe arrive enfin dans la capitale, une ville fortifiée au sommet d'un promontoire rocheux. Vive le roi Vegeta ! Vive le roi Vegeta ! Vous voyez, Majesté, j'ai rassemblé tous ces vauriens venus de tous les coins de la galaxie pour les mettre à votre service. Et voici mon fils. Lui aussi est à votre service. Mon nom est Broly, Majesté. Tu es également un guerrier, à ce qu'il semble. En effet, Majesté. Majesté ! Majesté ! Un super guerrier a été vu sur une étoile ! Que dis-tu ? Je vais immédiatement me mettre en route pour aller combattre ce guerrier. Allez, suis-moi, Broly. Père, je crois que c'est trop risqué de partir comme ça. Attendez d'avoir plus d'informations. Tu es un lâche et je ne te demande pas de me suivre. Allez, viens, Broly, partons. Non, père! Mon regard du ciel, Vegeta qui s'en va. Oh, ma parole, il peut vraiment pas rester en place, cet homme-là. Il faut que je te remercie, tu remets de lui un effet. Mais je comprends pas ce qui se passe, l'effet est passé maintenant. Je me demande s'il existe réellement un super guerrier légendaire. J'ai l'impression que tout ça, c'est une invention. Je suis d'accord avec toi, mais mon père, lui, semble y croire, en tout cas. Trunks, Krillin et Son Goku ont décidé de suivre Vegeta. Nous sommes ici sur une planète ordinaire, n'est-ce pas? De ce qui semble avoir été une cité spatiale, il ne reste plus aujourd'hui qu'un tas de ruines. Je ne comprends pas pourquoi Paragus tient tellement à établir une base sur une planète aussi sinistre. Oh! Venez voir par ici! Au milieu d'une vallée désertique, des centaines de petits êtres s'activent dans une carrière. On dirait qu'ils tirent de l'énergie du sol. Où est-ce qu'ils peuvent l'envoyer? Je sais, au palais. C'est pour ça qu'il y a de la verdure autour du palais. Il semble s'épuiser à la tâche. J'ai rien. Écoutez, ne croyez pas que nous rechignons à la tâche, mais mon grand-père se sent mal. Ne t'inquiète pas, nous ne sommes pas des gardes ni des surveillants. De toute façon, vous n'arriverez pas à construire une base dans un tel désert. Ça n'est pas à nous d'en décider. Nous avons été amenés ici après la destruction de notre planète par des super guerriers. Ah bon? Et c'est à peine s'ils nous laissent pas mourir de faim. Ce sont de vrais monstres. Un garde apparaît brusquement et envoie un violent coup de pied dans le petit extraterrestre. Je vais t'apprendre à travailler, paresseux. Mais... J'ai fait de bonne. C'est ma faute, c'est pas la sienne. Est-ce que c'est une mutinerie? Révolté, Sangohan fait basculer le garde à terre. Je vous interdis de les toucher. Des dizaines de soldats viennent à la rescousse du garde et encerclent Sangohan. Mais ils n'ont pas encore vu Krillin et Trunks. Alors voilà. Vous feriez mieux de vous méfier. Nous n'en avons pas l'air, mais nous sommes des durs à cuire. Les gardes s'enfuient et Krillin pense vraiment qu'il les a effrayés. Mais ce qu'ont vu arriver les soldats, c'est tout simplement Sangoku. Sangoku, quelle migraine! Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fabriques ici? Mais je n'en sais rien. Je pensais être sur la piste d'un super guerrier. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Bah, nous suivions Vegeta. Il y a quelqu'un qui lui a demandé de combattre un guerrier légendaire. Ce ne serait pas Kaio qui lui aurait confié cette mission. Heureux de te voir, Karoto. Je veux dire Sangoku. Paragus n'a rien perdu de la scène. Comment connaissez-vous mon nom? Vous êtes certainement un guerrier. Tu es le fils de Badak, est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que tu dirais d'un bon dîner? Un bon dîner? Justement, j'ai une faim de loup! Allez, bon appétit! Un véritable banquet est servi à l'attention de nos héros. Ce n'était pas Paragus. La force spirituelle que j'ai perçue était bien plus puissante que la sienne. Dis donc, Sangoku, si tu n'as plus faim, moi je peux finir les restes à ta place. Il n'en est pas question. J'ai encore très faim. C'est bon. Ce n'est pas Paragus qui a attaqué votre planète? Non. Nos amis n'en oublient pas pour autant les pauvres petits extraterrestres. Nous vous apporterons encore de la nourriture, c'est promis. Merci beaucoup. À en juger par sa force de combat, ça ne peut pas être Broly. Je me demande si le super guerrier légendaire se trouve là où Paragus veut nous le faire croire. Vegeta, lui, revient bredouille dans sa capitale. Toujours rien. Nous n'avons pas retrouvé la trace de ce super guerrier. Nous faisons tout notre possible pour le localiser. Laissez-nous encore un peu de temps, Majesté. Bonjour, Vegeta. C'est toi? Tu as parcouru tout ce chemin pour te faire éliminer? Alors dis-moi, si je comprends bien, tu n'as toujours pas retrouvé le fameux guerrier légendaire, ce qu'on dirait? Non seulement je le retrouverai, mais je le combattrai et je me débarrasserai de lui définitivement. Quant à toi, mêle-toi de tes affaires. Vegeta est toujours aussi ombrageux. En tout cas, il sait ce qu'il a à faire. Son Goku, en se retournant, se retrouve face à Broly. Il sent une force extraordinaire émaner du soldat. Ses longs cheveux noirs, le diadème posé sur son front, sa musculature impressionnante, tout indique qu'il est un guerrier redoutable. Dans son bureau secret, Paragus refait le plein d'énergie. Tout à présent, maître Paragus, vous pouvez ôter votre force spirituelle et ôter l'équipement. Maître Paragus, calmez-vous, je vous en prie. Selon les données qui ont été calculées par l'ordinateur, la commande à distance est en parfait état. En l'utilisant comme n'importe quelle autre télécommande, vous pouvez faire diminuer ou bien faire augmenter la force de Broly. Et ainsi, vous le contrôlerez totalement. Oui, je vois. La commande à distance est en parfait état de fonctionnement. Broly. Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver? J'aimerais le savoir. Serait-il possible que le pouvoir de Sangoku ait éveillé chez toi l'instinct des guerriers de l'espace et t'ait rendu incontrôlable? Si tel était le cas, tous mes efforts se trouveraient réduits à néant. Broly était incontestablement un vrai guerrier de l'espace. La nature l'avait doté d'une force extraordinaire, force qui se développait d'une façon démesurée tandis qu'il grandissait et qui me terrifiait. C'est pour cette raison que je fus amené à ordonner à un éminent savant de mettre au point un équipement spécial qui me permettrait de contrôler Broly. Finalement, j'ai obtenu grâce à cet équipement le pouvoir de devenir le maître unique et absolu de l'espace en contrôlant Broly selon ma volonté. Cette commande à distance est en parfait état de marche, comme l'affirme son inventeur. Alors, le changement qui s'est opéré en lui doit être dû à la rencontre avec Sangoku. Celui-ci et Broly sont tous deux nés le même jour. Non, ça ne peut pas être encore une ironie du destin. Deux enfants qui étaient nés le même jour et placés côte à côte. Il faut à tout prix que je contrôle Broly, sinon il va détruire l'univers. Le misérable fils de Badak ne peut pas anéantir le plus grand rêve de ma vie. Dans une pièce du palais, une transformation étrange s'opère sur Broly. Sangoku ! Dans leur chambre, nos amis dorment à poings fermés, hormis Tortue Géniale qui s'amuse à chatouiller le petit Oolong. J'ai les petits pieds qui veulent comme il est joli. Il est mignon. Broly vient de faire irruption dans la pièce. C'est toi, papa. C'est toi, Broly? C'est absurde! Ah, vite! Je t'ai dit d'arrêter, tu as compris? La lutte est terrible entre Broly et Sangoku. Il est comme nous. Sa force de combat ne cesse d'augmenter. M'impressionner, tu te trompes. Tu es complètement ridicule. Broly projette des dizaines de disques lumineux qui sont autant de bombes meurtrières. Voilà la force spirituelle que j'avais ressentie. Broly se trouve au milieu d'un cercle formé de flammes et d'éclairs. Je t'ordonne de t'arrêter. Paragus tente de stopper la folie meurtrière qui s'est emparée de son fils. Ah ! Maintenant je comprends, c'est toi qui as détruit la galaxie du Sud, n'est-ce pas ? C'est toi ! Arrête, tu as compris ? J'ai dit arrête ! Si ça continue comme ça, bientôt il n'y aura plus personne qui puisse l'arrêter ! Broly parvint enfin à se calmer. Menaçante, une gigantesque masse d'énergie bleue traverse l'espace. La comète Mori. Le lendemain matin, dans la cité de Vegeta... Majesté, je vous en prie. Majesté, Je vous en prie, écoutez-moi. Attendez jusqu'à demain. Paragus pense alors... Oui, jusqu'à la collision avec la comète Gmori. Il faut absolument que je trouve le moyen de convaincre Vegeta de rester ici. Il le faut à tout prix. Demain, nous aurons réussi à localiser l'étoile en question. L'étoile où se trouve le guerrier légendaire. Ha ! Broly ! Karoto. Oh. Tu sais que tu es très en retard, Vegeta. Je t'attends depuis des heures et je n'ai même pas pu prendre mon petit déjeuner. Sangoku attend Vegeta au pied du vaisseau. Dépêche-toi un peu, voyons. Je commence à mourir de faim, moi. Il y a de l'écho ici, on dirait. Ah, Vegeta, ce n'est pas la peine que tu partes. Le guerrier légendaire se trouve sur cette planète. J'avais pourtant bien dit de ne pas te mêler de cette affaire, il me semble. Paragus, dis la vérité à Vegeta. Dis-lui que le guerrier légendaire n'est autre que Broly. Comment une chose pareille serait-elle possible? Majesté, n'en croyez rien. Cela n'a aucun sens, Majesté. Il suffit de le regarder pour voir qu'il m'est inférieur. Comment serait-il le guerrier légendaire? Venez, Majesté. Il vaudrait mieux qu'on retourne au palais. Père! Trunks vient d'arriver. C'est un mensonge! Il prétend qu'il veut faire de vous leur nouveau roi, mais c'est faux! Ce n'est qu'un mensonge! Nous savons qu'il ne reste que des mines là-bas! Tous ces arbres et tout ce qu'il y a autour du palais ne sont qu'un décor, une illusion pour mieux vous tromper! Krillin et Sangohan ont emmené avec eux quelques-uns des extraterrestres travaillant dans les mines. L'un d'entre eux reconnaît Broly. C'est cet homme, c'est lui, je le reconnais, c'est lui qui a détruit la planète. Ainsi tu m'as menti. Maintenant tu sais tout. Il est inutile que je te cache plus longtemps la vérité. Ton fils a dit vrai. Oui, c'est parfaitement exact. Je n'ai aucune intention de m'établir sur une planète aussi misérable que celle-ci. En fait, je m'en suis servi temporairement en sachant qu'une comète allait entrer en collision avec elle. Ce que je veux, c'est la planète Terre qui se trouve dans la galaxie du Nord. La Terre est la plus magnifique de toutes les planètes. Elle possède un environnement exceptionnel. Mon objectif a toujours été d'émigrer là-bas pour y établir mon empire. Si je ne suis pas allé là-bas plus tôt, c'est pour une bonne raison. C'est parce que je ne voulais pas que la Terre devienne un champ de bataille. Pour l'avoir sans lui causer le moindre dommage, il a fallu que je prenne la peine de construire ce palais et tout ce qu'il y a autour afin de t'attirer ici. Tu espérais devenir notre roi et régner sur notre nouvelle planète. Eh bien non, ce n'était que des mensonges. Je voulais t'attirer dans un piège pour te faire disparaître en même temps que cette planète. Et quand ce sera fait, je n'aurai plus aucun ennemi au monde. Et il me sera facile de dominer la galaxie du Nord, de l'Est et de l'Ouest. Et après cela, l'empire de ma famille sera fermement installé et il pourra durer toute l'éternité. Karoto, Broly. Une fois encore, à la simple vue de Sangoku, Broly ne se maîtrise plus. Et Paragus n'y peut rien. Alors le voilà donc, ce légendaire guerrier de l'espace. Vegeta se transforme en super guerrier et se précipite sur Broly. Karoto! Allons-y, l'attaque de Vegeta ne lui a pas fait le moindre effet. Ne m'appelle plus Karoto! Mon nom est Sangoku! C'est parfait. Nous n'avons même pas besoin de cette maudite planète. Débarrassons-nous de ces misérables guerriers de l'espace. Vegeta lance une boule de feu dont l'effet est dévastateur. Gardons-nous! Broly n'a rien senti, mais sa rage et sa force sont décuplées. La terre en tremble et les éléments se déchaînent. Il est incontrôlable. Métamorphose s'opère. Les muscles de Broly se développent encore. Ses cheveux poussent et jaunissent. La cruauté se lit sur son visage. Il est le super guerrier légendaire. Voilà donc le légendaire super guerrier de l'espace. Kaoto, prépare-toi. Tu vas avoir l'immense honneur d'être le premier à disparaître. Me voilà, papa! C'est Son Goku et Son Gohan qui essuient la première attaque. Voilà donc ce légendaire guerrier de l'espace. Père! Oh, c'est terminé. J'ai bien peur que ce ne soit fini. Il n'y a plus aucun espoir. Le légendaire super guerrier de l'espace va avoir raison de nous. Tu es le seul guerrier de l'espace de sang pur, Vegeta. Ton instinct t'a dit quel être puissant et malfaisant pouvait être Broly. Mais hélas, il est trop tard. Parce qu'à présent, Broly a échappé à mon contrôle. Et il est devenu le légendaire super guerrier de l'espace. Le plan que j'avais échafaudé pour devenir le maître du monde, avec l'aide de Broly, est maintenant réduit à néant. La Terre est perdue. Rien ne peut empêcher Broly de détruire l'espace tout entier. Il ne pourra jamais imaginer jusqu'à quel point nous avons pu haïr le roi Vegeta, ton père. Le jour où il découvrit que Broly était doté d'une force de combat hors du commun. Paragus raconte alors son histoire. Je vous ordonne de vous emparer de lui et de le supprimer immédiatement. Que fais-tu là, Paragus? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis sûr, Majesté, que Broly pourrait rendre service à la planète en aidant, par exemple, le jeune prince Vegeta à devenir plus tard un combattant de grande valeur. Ne croyez-vous pas, Majesté? Voilà celui qui me cause le plus de tracas. Je vous en prie, Majesté. Écoute-moi maintenant, toi et ton fils, vous allez disparaître de ma vue. Un jour ton accession au trône pour lui succéder, ton père ordonna que l'on nous fît disparaître à jamais. Et l'on se débarrassa de nous. Survécu. Grâce à l'incomparable pouvoir de Broly qui agissait dans son subconscient, nous avons pu réussir à échapper à une fin atroce. Depuis, nous avons vécu dans l'espoir de notre revanche. Et aujourd'hui, l'heure est venue. Aussi faut-il que tu te prépares à périr. Son Goku et Son Gohan ne peuvent qu'éviter les coups de Broly. Hé assez puissant pour anéantir cette planète en un clin d'œil. Si vous ne contre-attaquez pas, je vais la réduire en poussière. C'est ce qu'on va voir. Face à Broly, Son Goku, Son Gohan et Trunks sont devenus des super combattants. Non, arrêtez! Vous n'arriverez jamais à le battre. Vous êtes en face du légendaire guerrier, vous ne ferez pas le poids. Surtout, ouvrez grand les yeux et regardez bien. Vous ne verrez plus jamais un aussi beau spectacle. Creusant les montagnes comme de la vulgaire pâte à modeler, Broly fonce vers les trois guerriers. Ces derniers sont obligés de fuir devant la puissance du guerrier légendaire. Enfin décidé à passer sérieusement à l'action. Mais sachez que vous ne serez jamais assez fort pour pouvoir me vaincre. Ça, c'est toi qui le dis. Je dois reconnaître que je suis assez surpris de ta force. Je te croyais moins coriace. Mais vas-y, approche, super guerrier. La lutte reprend de plus belle entre Son Goku, Son Gohan, Trunks et Broly. Un petit conseil d'ami, mets vite ton fils à l'abri. Ne reste pas là! Je veux t'aider, papa! Sauve-toi! Son Goku est projeté contre une paroi rocheuse. Au beau milieu d'une grande cité en ruine, Broly s'en prend à Son Gohan. Sans pitié, il lui assène des coups monstrueux. Après une ultime attaque, le pauvre petit tombe inanimé. Tenant Trunks et Son Goku dans ses bras, Broly traverse les immeubles comme de simples tours de papier. Il les précipite tous deux sur une poutrelle métallique. En voulant retrouver Son Gohan, Son Goku se fait repousser par des dizaines de boules de feu. Un peu bruyant. Est-ce la fin de Son Goku? Ma force spirituelle s'élève encore. Elle envahit tout mon corps. Broly s'élève dans les airs pour clamer sa puissance. Il génère de gigantesques explosions qui détruisent méthodiquement la planète. donc, voilà son cher fils bien-aimé. Broly a décidé d'achever Sangohan. Il lance une dernière boule d'énergie verte. Au moment où il va percuter Sangohan, le projectile est miraculeusement dévié par une boule argentée surgie de nulle part. Ses petits cœurs. Tu es un de ces inconscients qui veulent abréger leur existence. Ce n'est pas un monstre comme toi qui me fera peur. Un monstre, moi, mais pas du tout. Je suis un vrai démon. Ah, je me sens beaucoup mieux. Ça me fait plaisir de te voir, petit cœur. Si tu n'étais pas arrivé, je ne serais plus en vie à l'heure qu'il est. Je vous ai entendu parler, Caillou et toi. Oui, j'ai entendu tout ce que vous disiez. Et j'ai enragé de ne pouvoir me déplacer instantanément comme toi. Je n'avais encore jamais senti une force spirituelle aussi puissante que celle-ci. Ça me donne des frissons de penser que vous avez affronté un tel monstre. Prends un haricot magique, Trunk. La comète Mori se rapproche dangereusement. Elle sera bien là, maintenant. La fin de cette planète devrait survenir dans quelques heures. Vegeta, courage, prépare-toi, car ta fin surviendra en même temps que celle de cette planète. C'est une chance qu'on ait pu emprunter l'engin spatial de Petit Cœur. Si vous ne m'aviez opposé aucune résistance, j'en aurais fini avec vous en l'espace d'un clin d'œil. Mais vous êtes vraiment de très braves guerriers, ça je dois l'admettre. Son Goku, Trunks, Sangohan et Petit Cœur ont décidé d'attaquer ensemble Broly. Petit Cœur vient chercher Vegeta afin de le lancer lui aussi au cœur du combat. C'est terminé. C'est terminé. Cesse de dire des sottises, ce n'est pas encore terminé. Nous allons continuer à te battre. Non, c'est inutile. Tu ne vois donc pas ce qui se passe. Ouvre les yeux. Et tu dis être le prince des guerriers de l'espace? Laisse-moi tranquille. Suite, vite fuyez, vous ne gagnerez pas ce combat. Fuir n'y changerait rien du tout. Nous devons absolument le battre, sinon il détruira tout l'espace. Vous n'arriverez pas à le battre, tu ne vois donc pas qu'il est le légendaire guerrier de l'espace. Je n'aurais jamais imaginé que tu te découragerais aussi vite. Va-t'en, tu me donnes la nausée. Pourquoi s'acharne-t-il à affronter ce monstre? Pourquoi? Mais pourquoi veulent-ils se battre contre lui alors qu'ils n'ont aucune chance de l'emporter? Pourquoi? Vous périrez tous dans ce combat! En effet, nos amis n'ont aucun réel pouvoir contre Broly. Je sais combien je suis fort, mais la force de cet homme va bien au-delà de la mienne. Prépare-toi! Je ne te laisserai pas chanter victoire aussi facilement! On peut dire que tu es très persévérant. Je pense que la fin est proche maintenant. ne reste qu'une seule issue pour Sangoku. Encore une fois, peine perdue. Je vois que tu as fait tout ton possible, mais ça n'a servi à rien. Vegeta se retrouve seul. Cet imbécile de Sangoku s'est encore cru plus fort que moi. Mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Mais il va combattre. Prenez garde, père, méfiez-vous de lui. Ne t'inquiète pas, je sais à qui j'ai affaire, sois tranquille. Parfait, en voilà un autre qui arrive. Nous allons lui régler son compte. Vegeta découvre à ses dépens l'invulnérabilité de Broly. Catapulté contre un rocher, Vegeta perd connaissance. C'est déjà terminé. Oui, c'est terminé. Finalement, ça a même été encore plus facile que je ne l'imaginais. Paragus n'a rien perdu des combats. Cette étoile ne sera plus qu'un mauvais souvenir dans quelques heures. À présent que tu as réussi à échapper à mon contrôle, non seulement tu ne m'intéresses plus, mais tu es devenu un obstacle. Je regrette, mais tu vas devoir disparaître avec cette étoile. Il est prêt à s'enfuir dans sa capsule. Est-ce que vous allez? Moi, je m'apprêtais à partir avec toi pour chercher refuge autre part. Oui. Dans une capsule qui est faite pour une seule personne. Broly se saisit du vaisseau et commence à le broyer. Périr de la main de mon propre fils, c'est terrible. Pourquoi faut-il que le destin s'acharne après moi? Puis il l'envoie de toutes ses forces se pulvériser contre la comète Mori. Comment a-t-il pu être assez fou pour croire que j'allais disparaître en même temps que cette étoile? Encore ce misérable. Je croyais m'être débarrassé de lui définitivement. Même blessés, humiliés, exténués, nos héros ne peuvent abandonner. Sangoku avance vers Broly. Nous ne devons pas laisser ce monstre s'en sortir. Nous ne pouvons pas perdre cette bataille. Approche ! Allez, viens ici et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Sangohan ! Vite, transmets ton pouvoir à Sangoku. Petit cœur ! Donnez-moi vos forces pour que je puisse battre ce monstre. Sangoku. Il n'en est pas question. Devenu super guerrier, Sangoku se heurte une fois encore à Broly. La lutte est titanesque, mais inégale. Nous ne pouvons pas perdre ce combat. Donnez-moi toutes vos forces. Le miracle se produit enfin. L'énergie contenue dans Sangohan, Petit Cœur et Trunks est transférée vers Sangoku. La comète Mori est toute proche. Je perds ce combat. Je vous en prie, donnez-moi toutes vos forces. Et maintenant, finissons-en pour de bon. Sangoku résiste, mais la rage de Broly est trop forte. Non, c'est inutile. Arrête! Sangoku n'est plus qu'un pantin désarticulé. Je suis le prince des guerriers, je ne peux pas me laisser battre de cette façon. Donnez-moi vos forces pour combattre le démon. Il faut que je combatte ce démon. Vite, vos forces, vos forces, vos forces. C'est moi qui suis le prince du peuple des guerriers de l'espace. C'est moi qui suis le seul et unique prince. Comment oses-tu rivaliser avec moi, misérable? Comment peux-tu oser? Comment peux-tu oser? Une jolie tentative de ta part, mais malgré cela, ta dernière heure est arrivée. Donnez-moi vos forces pour battre ce démon. Donnez-moi toutes vos forces! Prince des guerriers, c'est moi! C'est moi, tu entends? Enfin, abandonnant son orgueil, Vegeta accepte de transmettre sa force à Sangoku, qui, alors qu'il va recevoir le coup décisif de Broly, sent enfin affluer ce pouvoir supplémentaire. Il part le coup du guerrier légendaire. Ce n'est pas possible. D'où lui vient une telle force? Et maintenant, à nous deux, approche! Comment as-tu pu oser, espèce de misérable petit guerrier ? Sangoku ! Vas-y, Sangoku ! Vas-y, papa ! Bats-le ! Tu n'arriveras jamais à me vaincre en utilisant le pouvoir de ces moustiques ! Je suis le guerrier légendaire ! Tu parais bien sûr de toi. Nous allons voir si je ne viens pas à bout de toi. La comète Mori a maintenant des effets dévastateurs sur la planète. Dans un décor de fin du monde, Broly et Sangoku combattent au corps à corps. Sangoku rassemble toute sa puissance dans un seul coup de poing. Ignoble monstre, va au diable! Nous avons gagné. Nous avons vaincu le monstre. Mais c'est trop tard. La petite planète est attirée et pulvérisée par la comète Mori. Heureusement, Petit Cœur a réussi à téléporter toute l'équipe dans sa capsule juste avant l'explosion. Sangoku, je te remercie. Sangoku et Sangohan reviennent auprès de Shishi. Ça me revient. Mon passe-temps favori, c'est la lecture. Chichi, ça va? Chichi, réponds-moi. Le printemps est là et tout va pour le mieux sur la Terre.